Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémouzo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30, c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mercredi 15 mai, nous souhaitons une bonne fête au Denis, ça vient du grec signifiant fille de Dieu. Denise a une personnalité complexe, voire ambiguë du fait des deux natures antagonistes qui s'affrontent en elle. Un côté masculin du fait du 1, actif, volontaire, autoritaire, indépendant et quelque peu égocentrique, ayant tendance à ramener tout à soi en régentant, dirigeant et recherchant la première place. Un côté féminin, le 2, passif, parfois velléitaire, timide, dépendant, affectif, à l'écoute des autres et plutôt altruiste, s'effaçant en profit des autres. Ce curieux mélange a pour effet de lui conférer un caractère cyclotimique, tour à tour enthousiaste, confiant et actif, puis défaitiste et passif. Sa grande réceptivité et son hyper-émotivité sont à l'origine de son humeur changeante. C'est certainement au cours de l'enfance qu'elle souffrira de ses ambivalences tiraillées entre ses désirs de grandeur, être la première ou la meilleure, et son besoin d'être protégée et sécurisé, d'autant que son nombre actif se vit la plupart du temps en 2, infériorité et passivité. À l'âge adulte, elle le vivra éventuellement en 11, qui est un maître nombre et qui demande de prendre en charge et d'assumer les autres. Ces tiraillements se traduisent par un mauvais caractère, des crises de colère et une susceptibilité mal placée. Dicton du jour à la Sainte Denise, le froid n'en fait plus à sa guise. À Sainte Denise, fini la bise. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale des familles, décrétée en 1993 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Journée internationale de l'objection de conscience depuis 1986. En Colombie, au Mexique, c'est le jour des enseignants et au Paraguay, c'est la fête de l'indépendance. Dans les événements qui se sont déroulés, un 15 mai 1811, indépendance du Paraguay, 1889, c'était l'ouverture au public de la Tour Eiffel. Allez, tout de suite, première pause musicale avec David Charvet et son titre « Jusqu'au bout ». Je t'attends. David Charvet jusqu'au bout sur RGM. Presque 8h37, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 15 mai 1946. Naissance de Georges Beretta, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1966 à 1974 en jouant à Saint-Étienne, club avec lequel il a remporté 6 titres de champion de France et 3 coupes de France. Et de 1974 à 1978, il a joué à Marseille, club avec lequel il a remporté une Coupe de France. 1950, naissance de Nicolas Hammond, acteur américain connu pour avoir été le premier acteur à avoir incarné en chair et en os le super-héros Spider-Man à la télévision. C'était dans les années 70. Il sera bientôt à l'affiche du film Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, sortie prévue dans quelques temps. Il incarnera le rôle de Sam Wanamaker. 1952, naissance de Chaz Palminteri, acteur américain vu dans Il était une fois dans le Bronx, dans le rôle de Sonny, Coup de feu sur Broadway, Usual Suspects, quelques épisodes de la série Rizzoli and Isle dans le rôle de Frank Rizzoli Senior ou encore Blue Bloods dans le rôle d'Angelo Gallo. 1960, naissance de Rob Bowman, réalisateur américain de télé et de cinéma. À la télévision, il a réalisé 13 épisodes de Star Trek La Nouvelle Génération, 12 épisodes de Parker Lewis Ne Perd Jamais, 33 épisodes d'X-Files aux frontières du réel, 27 épisodes de Castle. Au cinéma, il a réalisé X-Files, le film, ainsi que Elektra, et producteur de 34 épisodes de la série Agence Touriste et de 89 épisodes d'X-Files. 1972, naissance de David Charvet, acteur et chanteur français, connu pour son rôle de Matt Brody dans la série télé Alerte à Malibu, je vais y arriver, et son rôle de Craig Field dans Melrose Place. 1978, naissance de David Crummels, acteur américain, vu au cinéma dans Les Valeurs de la Famille Adams, Super Noël, ainsi que Hyper Noël dans le rôle de Bernard, un elfe. 10 bonnes raisons de te larguer, Monsieur Popper et ses pingouins, mais on le connaît surtout pour son rôle de Charlie Epps dans la série Numbers et apparu également dans Urgence et The Good Wife. 1981, naissance de Patrice Evra, ancien footballeur français ayant fait carrière de 98 à 2018 en jouant à Marsala, à Monza, Calcio, Nice, Monaco, Manchester United, la Juventus de Turin, Marseille et enfin West Ham United. 1982, naissance de Jessica Sutta, chanteuse américaine qui fut membre des Pussycat Dolls, et on écoute tout de suite un extrait de leur titre I Hate This Part. Fifth Avenue, and right now radio's all that we can hear. Man, we ain't talked since we left, it's so overdue. It's cold outside, but between us it's worse than here. Voilà pour l'extrait des Pussycat Dolls. Allez, on continue. 1983, naissance de Germain Chardin, rameur français qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'argent et une de bronze. Championnat du monde, une médaille d'or, une d'argent. Championnat d'Europe, une médaille d'argent et une de bronze. 1987, naissance de Leonardo Mayer, joueur de tennis argentin, professionnel depuis 2003, 21e place, son meilleur classement à l'ATP, atteint en 2015, 8e de finaliste à Wimbledon, 16e de finaliste à Roland-Garros et l'US Open, 32e de finale à l'Open d'Australie, et avec l'Argentine, il a remporté la Coupe Davis en 2016. C'est également l'année de naissance d'Andy Murray, joueur de tennis écossais. Alors professionnel depuis 2005, même s'il se pourrait vraiment qu'il ait dû mettre un terme à sa carrière suite à son opération de la hanche. Il a été numéro 1 mondial, c'était en 2016. Il a gagné 2 fois Wimbledon, 1 fois l'US Open, 5 fois finaliste à l'Open d'Australie et 1 fois finaliste à Roland-Garros aux Jeux Olympiques olympique, il a remporté 2 médailles d'or en simple et une médaille d'argent en double mixte et il a remporté une Coupe Davis, c'était en 2015. Et c'est aussi l'année de naissance d'Anaïs Bescon, biathlète française, qui compte un titre de championne olympique avec le relais mixte, 2 médailles de bronze obtenues lors de la poursuite et avec le relais féminin, c'était lors des Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018, un titre de championne du monde remporté en 2016 à Oslo avec le relais mixte. Elle détient aussi 5 médailles d'argent lors des championnats du monde, une lors de l'individuel en 2016, 3 avec le relais féminin lors des éditions 2011, 2012 et 2015 et la dernière avec le relais mixte en 2015. Elle compte également une victoire en Coupe du Monde. 1988, naissance de Noal Edené Miyem, basketteuse française qui avec l'équipe de France a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques et aux championnats d'Europe, une médaille d'or, 3 d'argent et une de bronze. 1996, naissance de Birdie, chanteuse britannique. 1997, naissance d'Ousmane Dembélé, footballeur français qui de 2015 à 2016 a joué au Stade Rennais, de 2016 à 2017 au Borussia Dortmund et depuis 2017 il joue à Barcelone. En 1982, décédée Joëlle Mogensen, chanteuse française, membre du groupe Il était une fois. Et avant de s'écouter Birdie, on va faire un petit point sur les sorties cinéma et je vous dis bien un petit point parce que j'ai que 2 films à vous présenter ce matin. Le premier, c'est Séduis-moi si tu peux, comédie de Jonathan Levin avec Charlize Theron, Seth Rogen ou encore O'Shea Jackson Jr. J'ai vu la bande-annonce, il a l'air pas mal. Et autre film, c'est un autre genre, c'est un film d'action thriller, Cold Blood Legacy, la mémoire du sang, de Frédéric Petitjean avec Jean Reno, Sarah Lynde et Joe Anderson. Allez, tout de suite, on s'écoute Birdie avec le titre Skinny Love. Come on, skinny love, just last the year. My staring at the sink of blood and crushed veneer. Who will know? Birdie sur le 107 FM, presque 8h47, on parle météo. La météo. Et on pourrait encore chanter Jennifer aujourd'hui avec son titre Au soleil. C'est comme ça qu'on va passer cette journée, avec tout de même quelques petits nuages, mais rien de bien méchant, mais toujours du vent. Hein. Des températures comprises entre 7 et 8 degrés ce matin, entre 13 et 15 degrés cet après-midi. Jeudi, soleil et nuages. Des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés l'après-midi. Vendredi, soleil et nuages également. Des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin et entre 17 et jusqu'à 19 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le cyclisme et le Giro. L'étape d'hier a été remportée par Carapaz. Le premier français, c'est Florian Sénéchal qui s'est classé cinquième. Un mot de hockey sur glace avec les championnats du monde et la France s'est inclinée hier soir face à l'Allemagne, 4-1. Le but français est signé Damien Fleury. La Suisse s'est imposée 4-0 face à l'Autriche. Le Danemark s'est largement imposé face à la Grande-Bretagne, 9-0. Et la Lettonie s'est imposée 3-0 face à l'Italie. Aujourd'hui, la Suisse affronte la Norvège, les États-Unis affronteront la Grande-Bretagne, l'Allemagne affrontera la Slovaquie et la Russie affrontera l'Italie. Et on fait un petit point sur les play-offs NHL pour les demi-finales. Avec sa victoire cette nuit, Boston mène 3-0 face aux Hurricanes de Caroline. Donc voilà, plus qu'un match à Boston pour se qualifier pour la finale. Et play-offs basket en NBA pour les demi-finale. C'était le premier match entre les Golden State Warriors et Portland. C'est Golden State qui s'est imposé 116-94 avec notamment 36 points de Stephen Curry. Un mot de football ce soir en National 3. Rend l'étape reçoit 3 et on va parler d'Antoine Griezmann puisqu'il quitte l'Atlético Madrid, club dans lequel il était arrivé en 2014. Il a annoncé ça hier soir dans une courte vidéo où il déclare d'ailleurs « J'ai pris la décision de quitter le club afin de poursuivre d'autres objectifs ». Alors apparemment, cette fois, ça y est, Antoine Griezmann quitte bel et bien l'Atlético Madrid. Alors pour quel club ? Ça, il y a encore un petit peu de suspense. Hein. Plusieurs noms circulent, notamment Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. Allez, on termine avec le tennis et les résultats de Rome. Côté féminin, Kristina Mladenovic s'est imposée en 2-7 face à sa compatriote Caroline Garcia, 6-1, 6-2. Garcia a d'ailleurs déclaré mentalement « je n'étais pas à la hauteur ». Alors là aussi, ça devient un petit peu inquiétant à quelques semaines de Roland-Garros. Alizé Cornet s'est imposée en 2-7 face à Sabalenka, 6-1, 6-4. Et Wozniacki a malheureusement dû abandonner face à Collins. Et à noter le forfait de Serena Williams, touchée au genou, coup dur pour l'américaine. Et à noter également les éliminations de Sevastova ou encore de Svitolina. Aujourd'hui, Mladenovic affrontera Bencic. Alizé Cornet sera opposée à Suarez Navarro. Keys affrontera Kenin. Il y aura également les matchs de Alep, Stevens, Kvitova, Bertens ou encore Osaka. Et côté messieurs, c'est Jérémy Chardy qui s'est imposé dans le duel franco-français qu'il opposait à Richard Gasquet. Il s'impose en 3-7, 6-5, 4-6, 6-3. Benoît Paire s'est incliné en 2-7 face à Albots, 6-3, 6-2. Goffin s'est imposé en 3-7 face à Stan Wawrinka, 4-6, 6-0, 6-2. Et à noter l'élimination d'Alexander Zverev en 2-7 face à Berrettini, 7-5, 7-5 et l'élimination également de Medvedev. Aujourd'hui, Jérémy Chardy aura un gros match face à Rafael Nadal. Cilic affrontera Struff. Federer sera opposé à Souza. Djokovic à Chapovalov. Il y aura un beau match entre Del Potro et Goffin. Et il y aura également les matchs de Tsitsipas, Nishikori, Fonini ou encore Dominic Thiem. Voilà pour l'actualité. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec le groupe Il était une fois et leur titre J'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça. Elle n'est pas vraiment belle. C'est mieux, elle est faite pour moi.